بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة لهذا الدرس الأخير قبل العطلة الصيفية إن شاء الله تعالى donc bienvenue à mes frères à ce dernier cours le dernier cours dans عمدة الأحكام avant la pause d'été. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. Et donc selon Aïcha رضي الله عنها qui dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a envoyé un groupe de combattants et à leur tête un homme. Cet homme donc qui dirigeait lorsqu'il dirigeait la prière, il finissait ce qui est voulu ici, il finissait chaque unité de prière. Il finissait chaque unité de prière avec « Qul huwa Allahu ahad » surat al-Ikhlas. Et lorsqu'ils sont revenus, ils ont cité cela au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Demandez-lui qu'est-ce qui l'a poussé à faire cela ?» Alors ils lui ont demandé et il a dit « Car celle-ci, surat al-Ikhlas » Car celle-ci est la description de Ar-Rahman, la description du tout miséricordieux. Et j'aime réciter avec celle-ci. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, informez-le que Allah ta'ala l'aime. فذكر العلماء من فوائد هذا الحديث جواز قراءة سورتين أو أكثر في ركعة واحدة. Les savants, ils ont cité parmi les profits de ce hadith le fait qu'il est permis de réciter deux sourates ou plus dans une seule unité de prière. Ce qui est voulu par là, deux sourates après le Fatiha. La personne, elle récite Fatiha et ensuite elle va réciter Qul huwa Allahu ahad. Elle finit et ensuite elle peut réciter Qul a'udhu bi rabbil falaq. Il est permis donc de réciter deux sourates. وذلك لأنه ذكر في الحديث أنه كان يختم بقل هو الله أحد. Car il a été cité dans le hadith que l'homme il finissait l'unité de prière avec قل هو الله أحد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بهذا الحديث أنه كان يقرأ الفاتحة وبعد الفاتحة دائما يقرأ بقل هو الله أحد. ليس المراد أنه يقرأ آياتين أو سورتين. Certains savants, ils voient que ce qui est voulu par ce hadith, c'est que cet homme, il récitait le Fatiha et après le Fatiha, il récitait Qul huwallahu ahad. Cela ne veut pas dire que il récitait forcément deux sourates après le Fatiha. وعلى كل حال فقد جاءت أحاديث تَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ. Et dans toute situation, dans tous les cas, il y a d'autres hadiths qui citent, qui montrent que cela est permis. أَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي سُورَةِ اللَّيْلِ أو في صلاة الليل, excusez-moi. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ النِّسَاءِ ثُمَّ آلِ عِمْرَانِ. L'imam muslim a cité dans son recueil, selon Hudhayfa, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité durant la prière nocturne, il a récité le Baqara, ensuite An-Nisa, et ensuite Ali Imran. Et donc tout ça c'est dans une seule unité de prière. Il y a donc plusieurs sourates qui ont été récitées dans une unité de prière. Taïb, là encore le qa'il, hadha fi an-nawafil, kayfa tastadilluna bihi ala al-fara'id. Si quelqu'un nous dit ça, c'est pour les prières surérogatoires. Il est cité dans le hadith. Le prophète, il l'a fait pendant la prière de la nuit. Et donc c'est la prière surérogatoire. Pourquoi est-ce que vous voulez dire qu'il est permis donc dans toutes les prières, même dans la prière obligatoire? On répond en disant quoi? الأصل أن ما كان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلح للفرض والنفل إلا إن جاء دليل يدل على الخصوصية. La base, c'est que tout ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam est applicable pour ce qui est obligatoire et ce qui est recommandé. Sauf s'il y a une preuve qui nous montre que c'est que pour les actes recommandés ou que pour les actes obligatoires. Et donc la base, c'est dans l'adoration, ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela englobe les actes recommandés et les actes obligatoires. وأيضا في هذا الحديث فضل سورة الإخلاص وبيان السبب الذي من أجله تعديل ثلث القرآن. Il y a dans ce hadith un des mérites de Sourate al-Ikhlas et l'éclaircissement de la cause par laquelle cette sourate elle représente le tiers du Coran. وذلك لأنها صفة الرحمن. Car cette sourate est la description de Ar-Rahman. فالقرآن إما خبر عن الله وصفاته وإما خبر عن الرسل وأقوامهم وإما أمر ونهي. Et donc le Coran, c'est soit des informations concernant Allah et ses attributs, soit des informations concernant les messagers et leur peuple, soit des ordres et des interdits. Wa khayrul kalami ma kana fi sifatillahi ta'ala. Et les meilleures des paroles du Coran sont celles qui sont liées aux attributs d'Allah Ta'ala. C'est pour cela wa lidhalika a'zamu ayatin fil Coran ayatul Kursi. Et c'est pour cela que le verset le plus grandiose dans le Coran, c'est ayatul Kursi. لأنه متعلق لأنها متعلقة بصفة الله تعالى. Car ce verset est lié aux attributs d'Allah تبارك وتعالى. فالإخلاص سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. Et donc la سورة الإخلاص elle représente le tiers du Coran. وفي هذا الحديث أن حب صفة الله من أسباب محبة الله. Il y a dans ce hadith le fait que aimer les attributs d'Allah fait partie des causes qui entraînent l'amour d'Allah pour le serviteur. On prétend tous qu'on aime Allah. Mais cependant la chose la plus importante, comme ils disent les ulama, c'est que Allah il t'aime. Il te protège, il pardonne tes péchés. C'est ça la chose la plus importante. Est-ce qu'il y a des causes qui permettent aux serviteurs d'obtenir l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala? Naam. Le fait d'accomplir les actes obligatoires, ensuite surérogatoires, hatta uhibba, jusqu'à ce que je l'aime, comme il dit Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc on doit faire nos actes, on doit faire nos obligations. Ensuite, on rajoute à cela des actes surérogatoires. Il y a aussi certaines caractéristiques. At-tawakkul. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Certes, Allah aime ceux qui mettent leur confiance en lui. Et donc, ceux qui ne vont pas être éprouvés dans le fait de rechercher un risque, la subsistance par des moyens illicites. Mais ils vont mettre leur confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Et ils savent que c'est lui qui accorde la subsistance. Il est éteint. Et ils savent que c'est lui qui accorde la subsistance, subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi le fait de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi. Suivez-moi, alors Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Il y a l'ihsan, le fait d'être bienfaisant. Wa sari'u ila ma'firatin min rabbikum. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Et Allah aime les bienfaisants. فهم يحسنون في العبادة. Ils vont être bienfaisants dans l'adoration. فهم يقومون بهذه العبادة كأنهم يرون الله تعالى. Ils vont faire leurs actes d'adoration comme s'ils voient Allah. أي أنهم يقومون بهذه العبادة على أكمل وجه. Ils vont accomplir ces actes d'adoration de la meilleure façon que possible. Comme s'ils voient Allah Ta'ala. Donc il faut faire l'acte d'adoration correctement. Tu ne vas pas bâcler tes actes d'adoration. Et si tu ne le vois pas, alors lui, tu le vois. Alors lui, il te voit. فهم يعرفون أن الله تعالى يراهم فيحرصون حتى لا يراهم ربهم حيث نهاهم. Et donc ils savent que Allah Ta'ala, les bienfaisants, ils savent que Allah, il les voit, alors ils s'efforcent afin que Allah ne les voit pas là où il leur a interdit d'être. Allah ne les voit pas faire ce qu'il leur a interdit de faire. ويحسنون مع عباد الله. Ils vont être bienfaisants envers les serviteurs d'Allah. بالتبسم, avec le sourire. والكلمة الطيب, et les belles paroles et autres. وأسباب كثيرة للحصول على هذا الفضل العظيم محبة الله تعالى. Il y a beaucoup de causes qui permettent de parvenir à donc ce mérite, à ce rang très important, le fait que Allah Ta'ala aime le serviteur. وفي هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله. Il y a dans ce hadith le fait d'affirmer l'attribut d'amour pour Allah Ta'ala. فالله يحب ويحب. Et donc Allah, il aime et il est aimé. وفي الحديث أهمية الرجوع إلى أهل العلم. Il y a dans le hadith l'importance de revenir vers les gens de science. فإن الصحابة لما أشكل عليهم الأمر رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Les compagnons, lorsque le sujet était un peu compliqué, un peu difficile, ils sont revenus vers le prophète صلى الله عليه وسلم pour demander qui a raison. Est-ce que cet homme il a bien fait ou pas? Et donc le fait de revenir vers les gens de science. وهناك أمر أحببت ذكره هنا وهو كلام يسير على معنى سورة الإخلاص. Il y a un point que je voulais citer ici, c'est une explication concise concernant la signification de sourate al-Ikhlas. Très très très concise, en quelques lignes, inshallah ta'ala. فَكُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Dit, il est Allah, l'unique. فَهُوَ أَحَدْ فِي أَفْعَالِهِ وَفِي صِفَاتِهِ وَمِنْ كَمَالِ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Et donc Allah, il est unique dans ses actes, dans ses attributs. Et parmi la perfection de cela, le fait qu'il n'a aucun égal. Voilà pourquoi cela a été cité à la fin de la sourate. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ وَهُوَ الصَّمَدُ الَّذِي لَا يَحْتَاجُ إِلَى وَلَدٍ بَلْ جَمِيعُ الْخَلَائِقِ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَمِنْ كَمَالِ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. Et aussi, Allah, c'est As-Samad. Celui qui n'a pas besoin d'enfant, il n'a besoin de quiconque. Mais au contraire, toutes les créatures ont besoin de lui. Voilà la signification de As-Samad. Toutes les créatures ont besoin de lui et reviennent vers lui. Et parmi l'aspect parfait de cela, le fait qu'il n'a pas engendré et n'a pas été engendré. فكيف يكون له ولد وهو الصمد الذي لا يحتاج الى احد والجميع محتاج اليه. Et donc comment est-ce qu'il peut avoir un enfant alors que c'est lui As-Samad, celui qui n'a besoin de personne mais tout le monde, tous ont besoin de lui. Allah Ta'ala qui dit Badi'u samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim. Celui qui a créé les cieux et la terre, comment est-ce qu'il peut avoir un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Et que c'est lui qui a créé toutes choses et qu'il est connaisseur et qu'il connaît parfaitement toutes choses. Allah Ta'ala n'a besoin de personne, c'est lui qui a tout créé, n'a pas besoin d'enfant, tabaraka wa ta'ala. ثم قال المؤلف رحمه الله عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. Et donc ensuite l'auteur il nous dit, donc le dernier hadith de ce sous-chapitre, selon Jabir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'ad, si seulement tu priais avec Sabbih isma rabbika al-a'la, et aussi wa-shamsi wa-duhaha, et aussi wa-layli idha yarsha, car prie derrière toi des gens âgés, des faibles, et des personnes qui ont des occupations. فذكر العلماء من فوائد هذا الحديث عناية الشرع بالضعفاء ومن له أشغال. Les savants, ils ont cité parmi les leçons profitables de ce hadith le fait que la législation accorde une importance aux faibles et à ceux qui ont des occupations. Donc de la même façon, l'imam doit aussi faire attention à cela. Vous connaissez ce hadith, c'est le hadith durant lequel Mu'adh il a récité une longue sourate al-Baqarah pour la prière du Isha. Alors un homme s'est éloigné et il a prié tout seul jusqu'à ce que cela revienne au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il dise à Mu'adh « Afattan anta ya Mu'adh » et ensuite il lui a recommandé ce que vous avez entendu. وَفِيهِ أَهَمِّيَّةَ التَّخْفِيفِ عَلَى النَّاسِ. Il y a dans cela le fait qu'il est important de faciliter et d'alléger les gens. Il est important de faciliter et d'alléger les gens. وَفِيهِ فَضْلُ هَذِهِ السُّورَةِ أو هَذِهِ السُّورَ الْقَصِيرَةِ فَإِنَّهَا مَعَ قِصَرِهَا تَشْتَمِلُ عَلَى أُمُورٍ عَظِيمَةٍ مِنْ أُصُولِ الْإِسْلَامِ. Il y a dans cette sourate, il y a dans ce hadith les mérites de ces sourates qui ont été citées. Et les courtes sourates de façon générale. Car, malgré le fait qu'elles soient courtes, ces sourates-là contiennent des points essentiels de la croyance islamique. Des points essentiels de la croyance islamique. « Wal imamu yukthiru qira'ataha fi salat » L'imam, il va souvent réciter ces sourates-là durant la prière. فَالنَّاسُ يَسْتَمِعُونَ إِلَى هَذِهِ السُّوَرِ وَيَتَأَمَّلُونَ فِي الْعَقِيدَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ. Et donc les gens vont entendre ces sourates durant la prière. Ils vont méditer concernant la croyance islamique, la base de la croyance islamique. Et on va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On a fini ce sous-chapitre. Et demain, il n'y aura pas de cours de fiqh, ou sur le hadith du moins. Demain, ça sera un cours de tafsir. Bi'idhnillahi ta'ala, wafakallahu al-jami'a, lima yuhibbuhu, wa arda, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khayra.